En deuxième partie, le sujet traité, l'esclavage monétaire. Bernard, dans l'expérience humaine, à un moment donné ou un autre, surtout vers la maturité, vers la période où l'individu pense à se retirer d'une façon ou d'une autre, il est confronté à un problème de survie, souvent matériel, et dans cette lutte qu'il a au cours de sa vie, dans son expérience, il se rend compte, peut-être des fois trop tard, il se rend compte qu'il est esclave de l'argent. Est-ce qu'un individu qui est dans un processus de conscience est en mesure de se libérer à un moment donné ou à un autre du phénomène d'esclavage de l'argent? Et quand je parle de l'esclavage de l'argent, là, je ne parle pas simplement pour les gens qui en manquent, mais je parle également de personnes qui disposent de très forts moyens, de très fortes ressources et qui peuvent être esclaves dans une certaine mesure de leurs ambitions. Est-ce que l'individu donc qui se conscientise peut arriver à un certain moment donné à se libérer de cet esclavage de l'argent, de la finance? Bon, mais l'esclavage de l'homme par rapport à la finance ou par rapport à l'argent, qui a des moyens ou qui n'en est pas, est causé par le fait que sa conscience psychologique manque de puissance. Si l'homme n'a pas de moyens, c'est parce qu'il n'a pas suffisamment de conscience créative. S'il a des moyens, mais qu'il en souffre parce qu'il a trop d'ambition, il manque encore de conscience créative. Les forces de l'argent sur la Terre sont très fortes parce qu'effectivement, elles font partie de l'évolution de l'âme, et ainsi de suite. Avec l'évolution de la conscience humaine, si on parle de l'homme conscient, c'est inévitable que l'homme conscient en arrive un jour à ne plus être esclave de l'argent dans une direction ou dans une autre. Autrement dit, l'homme conscient ne peut pas en manquer à un point tel où il devient incapable de devenir opérationnel créativement, puis il ne peut pas en avoir trop, puis s'effondrer sur le roc de l'ambition. Donc, l'évolution de la conscience humaine par rapport à cette énergie très astralisée sur la Terre, dans la mesure où l'homme deviendra conscient, il trouvera dans cette énergie des outils nécessaires à l'application de sa créativité sur le plan matériel. Mais l'argent n'influera plus sur lui de la même manière qu'elle a influé pendant l'évolution. Dans ce sens que l'homme n'émettra plus de valeur psychologique sur l'argent. Par contre, il connaîtra les lois de cette énergie-là, les lois de cette forme, les lois de cette très grande force. Mais pour comprendre les lois de l'argent dans le sens occulte du terme, pour manipuler l'énergie qui fait partie de cette très dense force sur la Terre, il faut avoir une conscience très développée parce que si l'homme pouvait manipuler cette énergie-là et ne pas posséder une grande conscience, il pourrait facilement mettre le système expérientiel global humain par terre, dans ce sens qu'il créerait des chocs dans le monde financier. L'argent, c'est un peu comme une maladie. C'est un peu comme un virus, ça se développe très vite dans une direction ou dans une autre. Donc, un homme qui pourrait manipuler l'énergie de l'argent à travers sa voyance, ainsi de suite, s'il n'était pas conscient, ce virus pourrait s'intégrer facilement dans tout le système, dans tout le corps économique, et ça créerait des problèmes. Donc, si nous regardons la vie dans son ensemble, si nous regardons l'argent dans sa particularité, elle fait énormément partie des lois de l'évolution de la conscience planétaire. Elle fait partie de l'évolution des gouvernements, la stabilité des gouvernements, l'expérience individuelle, au niveau des ressources, au niveau des souffrances, au niveau des possibilités. Donc, si on regarde l'argent d'un point de vue occulte, on s'aperçoit que l'argent est une énergie qui, pour le moment, est contrôlée par les royaumes inférieurs de la conscience. Et avec l'évolution de l'homme, l'argent sera désastralisé, dans ce sens que nous verrons naître dans le monde des organisations, des centres de force créative qui pourront travailler avec cette énergie très dense, mais la dépolariser, la désastraliser et la rendre libre. L'argent dans le monde doit être rendu libre, mais pas dans un sens qu'on peut comprendre sur le plan psychologique, dans un sens qu'on peut comprendre seulement sur le plan psychique. Ce qui empêche l'argent de devenir libre dans le monde, c'est que l'homme la possède. L'argent, c'est une des forces, c'est une des substances, c'est une des valeurs qui amène l'homme astral à la posséder pour toutes sortes de raisons, de survie, de pouvoir, ainsi de suite. Lorsque l'homme sera libre de ceci, il ne possédera plus l'argent, mais il pourra la faire circuler. Et il la fera circuler d'une façon intelligente, dans ce sens qu'il sera obligé de traiter financièrement avec des gens qui ont une certaine vibration. L'homme conscient ne traitera pas financièrement avec des gens qui auront une vibration inférieure à une certaine conscience, parce que à cause des conséquences, à cause de la lourdeur de la relation, à cause de la lourdeur des alliances, ainsi de suite, à cause du besoin de confiance et à cause de tous les contrats karmiques et occultes qui sous-tendent les liaisons entre les hommes à ce niveau-là. Un homme conscient ne peut pas... un homme conscient qui traite avec cette valeur-là doit bénéficier primairement de ces relations humaines. Ce sont les relations humaines. L'argent, c'est simplement la strappe qui fait tourner les roues de ces relations humaines-là. Et ceci, ce sera proportionnel, ça deviendra proportionnel à l'évolution de la conscience de l'homme. Excusez, oui. Est-ce que vous sous-entendez que dans l'expérience humaine, l'argent est un moteur dans lequel on peut penser qu'il y a un objectif à accumuler de l'argent? Alors que la façon dont vous parlez, on semble sentir que l'argent est simplement un outil pour favoriser les relations humaines. L'argent, c'est un outil qui doit favoriser les relations humaines et qui doit permettre à des individus qui ont une certaine conscience de manifester pleinement leur conscience, cette conscience. À ce moment-là, l'argent n'est plus astralisé et elle devient universelle, dans ce sens qu'elle devient libérée du karma personnel, de l'expérience, pour être utilisée sur le plan mental créatif de l'évolution de la conscience. À ce moment-là, l'argent devient sort et libéré des lois de la survie, fait partie des lois de la vie créative, et elle ne sert plus chez l'homme à le sécuriser égoïquement. Elle sert à l'homme à le propulser créativement dans le monde, et cette propulsion créative, cette capacité créative d'engendrer, ainsi de suite, devient éventuellement un bien collectif. L'argent non astralisé ou déastralisé par l'homme conscient deviendra avec le temps un bien collectif, dans ce sens que les hommes y auront accès à cette eau. Aujourd'hui, l'argent devrait être comme une rivière. Tu as besoin de l'eau, tu vas dans la rivière, tu prends ce que tu as besoin, tu fonctionnes. Mais l'argent aujourd'hui n'est plus comme une rivière. L'argent est devenu plutôt comme un mouvement de lave, comme un mouvement de ciment. Et elle est très dense. Et l'homme veut se l'appointer, en prendre une section pour avoir un pouvoir. Tu ne peux pas prendre une section de rivière qui coule, qui est limpide. Mais tu peux prendre une section de ciment qui est fossilisée. Et c'est à la source de toutes nos batailles, c'est à la source de toutes nos souffrances, c'est à la source de la déstabilisation. Vous avez des hommes qui ont énormément d'argent et qui contrôlent. Vous avez des hommes qui n'ont pas d'argent et qui sont contrôlés. Et ça fait partie de la politique expérientielle de la Terre. Est-ce que dans le... La notion de l'argent va être totalement transmutée chez l'homme conscient. Elle ne sera pas transmutée par des philosophies étrangères ou extérieures à lui, basées sur des idéologies quelconques, que ce soit le socialisme ou le communisme ou le capitalisme. Elle sera transmutée par l'intérieur. Et de l'intérieur, il verra d'une autre façon, comment traiter avec ceci. Mais pour que l'homme soit libre de l'argent, il faut qu'il soit d'abord libre lui-même. S'il n'est pas libre lui-même, il ne peut pas être libre de l'argent. Comment on peut être libre de l'argent quand elle véhicule autant de valeur de survie? Un être qui n'a pas d'argent aujourd'hui ne peut pas fonctionner. Il ne peut pas échanger avec son environnement. Comment on peut être libre de l'argent? Si l'homme est libre intérieurement, pour que l'homme soit libre lui-même dans son intérieur, dans ce sens pour qu'il soit conscient. Si l'homme est conscient intérieurement, il est libre de l'argent. Effectivement, dans un certain temps, il ne peut pas nécessairement être aussi créatif qu'il pourrait l'être, parce que sa conscience n'est pas suffisamment évoluée pour qu'il puisse engendrer, mais au moins il est libre. Et un homme qui est libre dans sa conscience ne souffre pas du manque d'argent. Il va être fatigué de ne pas en avoir, mais il y a une différence. Mm-hmm. Il va être fatigué de ne pas en avoir, mais il n'en souffre pas psychologiquement. C'est quoi la différence? La différence, c'est qu'il sait que dans le temps, il va en avoir. Dans le temps, sa conscience va l'amener à être suffisamment créative pour qu'il puisse générer, mais sa souffrance ne sera pas psychologique. C'est pas de l'espoir, ça? Non, ça fait partie de son savoir intérieur, ça fait partie de sa conscience. La pauvreté est anti-conscience, la pauvreté est anti-intelligence, la pauvreté, c'est une abomination, la pauvreté. Ça enlève à l'homme sa nobilité, ça enlève à l'homme sa capacité d'universaliser sa conscience, ça enlève à l'homme la capacité de fragmenter le pouvoir astral de l'argent sur la terre. La pauvreté, c'est terrible. Aujourd'hui, il y a une évolution socialiste, démocratique dans le monde pour que les masses d'argent puissent être un peu plus répandues. La masse de l'argent va plus vers la base qu'auparavant, qu'au 19e, 18e siècle. Par contre, il y a énormément de gens pauvres dans le monde, et ce qui se produit au niveau de la finance dans le monde, c'est que l'argent est manipulé et elle est contrôlée par des bourses ou par des individus dans le monde. La finance est très hermétique. Il y a un certain nombre d'hommes dans le monde qui contrôlent la finance, qui contrôlent les courants, qui contrôlent le lit de la rivière. Ils font aller la rivière par là ou ils font aller la rivière par là. Et l'être humain, le simple mortel, n'est pas à l'abri des conséquences de ces mouvements-là. Mm-hmm. Et il faudra un jour que l'homme devienne suffisamment conscient pour se libérer de ces courants-là et de ne pas être assujetti à ces courants-là. Mais ça demandera une transmutation profonde de sa conscience, une transmutation profonde des forces de l'âme, parce que l'âme, c'est une énergie, c'est une force qui utilise l'argent pour sécuriser son passé. Les hommes pensent que l'argent est utilisé pour sécuriser leur avenir, c'est une illusion. Oui, parce qu'effectivement, j'ai un état de surprise. Ouais. L'argent... sécuriser son passé, là, ouais. J'ai une question qui vient avec ça. Mais laissez-moi finir, là. Quand je dis que l'âme utilise l'argent pour sécuriser son passé, je veux dire que l'utilisation de l'argent chez l'homme est une utilité qui est basée en fonction de sa mémoire. Si l'homme instantanément perdait sa mémoire dans un processus de fusion, il ne pourrait pas vivre une relation avec l'argent de la même façon qu'il aurait vécu auparavant. Il n'aurait pas l'instinct à capitaliser, là. Il ne serait pas intéressé comme à bâtir. Il ne serait pas intéressé à protéger son avenir. Oui. Ouais. Je comprends plus, là. Parce que quand je dis que l'âme utilise l'argent, l'ego n'en est pas conscient de ça, mais quand je dis que l'âme utilise l'argent pour protéger son passé, je veux dire que l'ego, dans son inconscience, quand il utilise l'argent, il le fait par rapport à des habitudes de vie qui font partie de sa mémoire. Si l'ego était libre dans sa conscience, s'il était conscient, il utiliserait l'argent en fonction de sa créativité simplement. Mais ça demande une connexion avec la source. Et la source, ce n'est pas l'âme. Donc la source n'a pas de passé. La source elle pulse dans un présent qui est infini, mais qui construit un avenir qui est sans faille. Mais pour que la source puisse créer un avenir sans faille pour l'homme, il faut que lui soit en consciente relation avec elle. Et pour ceci, il faut que l'homme, en tant qu'âme incarnée, puisse oublier, sortir de sa mémoire qui fait partie de son passé. Donc, ça nécessite instantanément une déastralisation de sa conscience par rapport à l'argent. Et c'est ça que l'homme n'est pas capable de faire, et c'est pour ça que l'homme est esclave de l'argent, et c'est ainsi que l'homme se libérera de cet esclavage, et ensuite fera de l'argent ce qu'il veut. Mais à ce moment-là, l'argent ne sera plus pour lui dans sa vie un point important de son évolution. Ce sera simplement une énergie dont il aura de besoin pour balancer ses énergies, dépendant de son niveau d'évolution et aussi dépendant de ce qu'il a à faire. Nous sommes esclaves de l'argent parce que nous n'avons pas compris son rôle occulte. Nous n'avons pas conscience occulte de l'argent. Nous avons simplement une conscience psychologique de ses valeurs dans le monde. Si nous avions conscience occulte de l'argent, si nous avons conscience occulte de n'importe quoi, nous ne vivrions pas notre vie comme nous la vivions. Maintenant, vous êtes un homme conscient. Est-ce que vous pouvez dire que l'argent que vous avez, ce n'est pas votre argent? L'argent que j'ai, ce n'est pas mon argent. L'argent que j'ai est le produit de ma conscience créatrice et elle fait partie du mouvement de cette conscience créatrice et je ne peux pas en générer plus que ce que j'ai de besoin. Sinon, si j'en générais plus que ce que j'ai de besoin, je créerais dans ma vie un vide. Je créerais dans ma vie des conditions qui me forceraient à accélérer mon processus de conscience. Je vous donne un exemple. Je suis voyant, j'ai une conscience, j'ai de l'information. Bon, si je décidais un jour d'aller, je ne sais pas moi, dans un casino quelque part dans le monde et de prendre un certain montant d'argent et de faire vibrer cette énergie-là pour que les chiffres sortent comme je veux ou les chevaux si j'étais dans à Blue Bonnet, je déséquilibrerais ma conscience créative. Je pourrais me donner de l'argent, mais cet argent-là ne serait pas en conformité avec les besoins de ma conscience créative. Je ne voudrais plus écrire. Je ne voudrais plus donner des conférences. Je ne voudrais plus être dans le public. Et ça, ça fait partie de ma vie, de la conscience créatrice de ma vie. Donc, si un jour je dois cesser de travailler physiquement, de travailler comme je le fais, à ce moment-là, je créerai d'autres alternatives pour continuer mon processus de vie sur le plan matériel, mais en fonction d'autres plans de ma conscience créative. L'homme qui est conscient, que ce soit au niveau de l'argent ou que ce soit au niveau de n'importe quoi, cet argent-là ne lui appartient pas, ça fait partie des forces de vie. Il m'est arrivé d'ailleurs tout dernièrement quelque chose au niveau de l'argent. De l'argent qui est venu vers moi, de l'argent dont je ne m'attendais pas, un montant assez global, qui m'a permis justement de faire un mouvement que je dois faire en Europe. Donc tout ceci, cet argent-là, et quand j'ai demandé, mais pourquoi cet argent-là, elle est venue? Et ça m'a répondu, ça fait partie de mon plan. Donc, que ce soit de l'argent, que ce soit n'importe quoi, la vie c'est global. La vie c'est occulte. Et l'homme ne comprend pas que la vie elle est occulte et psychologiquement il s'inquiète. Et s'il s'inquiète, il devient malade. S'il devient malade, il perd ses facultés. S'il perd ses facultés, il perd sa créativité. S'il perd sa créativité, éventuellement, il épuise toutes ses énergies et éventuellement il meurt. Si l'homme renverse la polarité de cette énergie-là et qu'il se conscientise, c'est-à-dire qu'il prend réellement conscience de la nette différence entre son plan psychologique et son plan psychique, à ce moment-là, il renverse ses énergies. Donc, au lieu que les choses s'éloignent de lui, les choses viennent vers lui. Bon. OK. Dans la vie de la conscience expérimentale, tout s'éloigne de l'homme. La santé s'éloigne de l'homme. Les amis s'éloignent de l'homme. L'argent, si on ne fait pas attention, s'éloigne de l'homme. La maison peut s'éloigner de l'homme si elle passe au feu. l'automobile peut s'éloigner de l'homme s'il a un accident. La vie est centripète dans son énergie. Et la conscience expérimentale, que vous regardiez n'importe quoi, vous rencontrez quelqu'un, vous l'aimez, à long terme, il s'éloigne de vous. Un jour, votre sexualité s'éloigne de vous. Tout ce qui fait partie de la conscience humaine sur la Terre s'éloigne de soi. La conscience évolutive, psychologique de l'ego, c'est une énergie qui s'éloigne de l'homme, et c'est cet éloignement qui, à court ou à long terme, empêche l'homme de rentrer dans sa puissance. Et l'homme, pour empêcher l'éloignement de cette énergie-là, va créer dans sa vie des contrôles. Ces contrôles, j'appelle le pouvoir. Donc, il va essayer. Mais en renversant cette loi naturelle de l'évolution, il va être obligé d'oppresser, d'opprimer, de dominer ceux qui sont autour de lui. Autrement dit, de voler de l'énergie à ceux qui sont autour de lui. Que ce soit un dictateur ou que ce soit une belle-mère malveillante. Donc, il va voler de l'énergie. Et l'homme conscient, pour renverser ce processus-là, il ne peut pas le faire au niveau du pouvoir astral. Donc, pour renverser ce processus, il est obligé de changer de plan. C'est-à-dire qu'il est obligé de vivre sa vie sur la Terre, sa conscience mentale, à un autre niveau, d'une autre façon, avec des règles de jeu, du jeu, qui sont totalement différentes de celles de l'évolution. Ça demande, chez lui, une très grande transformation de son être, que seule sa conscience peut opérer à partir du moment où il connaît les lois de cette conscience, les lois de la pensée. Donc, ce que je viens de dire, que les énergies de la vie de l'homme le fuient et que les énergies de la conscience de l'homme psychique se réunissent et deviennent centripètes au lieu d'être centrifuges, c'est une chose que j'aurais dû dire auparavant parce que c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est un peu comme... C'est un concept qui est très intéressant et je vais le développer. Parce que c'est un concept qui nous permet de comprendre que effectivement, dans une condition absolue de vie expérimentale sur la Terre, tout nous fuit. Et la raison pour laquelle tout nous fuit, c'est parce que nous n'avons pas suffisamment de conscience psychique. Et si nous avions, et lorsque nous aurons une conscience psychique, le mouvement sera renversé et tout viendra vers nous. Mais tout ne peut pas venir vers nous trop rapidement parce que il faut que l'homme soit suffisamment conscient pour pouvoir absorber cette grande entrée d'énergie vers lui. Que ce soit à un niveau ou un autre. Pour avoir beaucoup d'amis, par exemple, il faut que l'homme soit suffisamment intelligent pour que ces amis-là ne deviennent pas pour lui des êtres qui lui enlèveraient son énergie. Donc, il faut qu'il soit suffisamment indépendant d'esprit pour garder une distance entre eux. Sinon, il va former une religion. Pour qu'un homme ait beaucoup d'argent, pour qu'il puisse utiliser beaucoup d'argent, cette énergie, et travailler dans le monde et construire, il faut qu'il soit suffisamment conscient pour ne pas vouloir la dominer. S'il la domine, cet argent-là, à ce moment-là, il va tomber sous les lois de l'évolution qui veulent imprimer dans le monde des conditions de vie pour les autres. Que ce soit au niveau de la sexualité, c'est la même chose. Que ce soit à n'importe quel niveau. Il faut que l'homme développe une certaine maturité, qu'il ait un certain discernement, qu'il ait une certaine éventuelle lucidité. À ce moment-là, il n'y a plus de problème pour le processus centripète de l'argent. Mais l'homme n'est pas capable de traiter avec cette énergie qui vient vers lui s'il n'a pas du discernement. Donc, automatiquement, dans ce cas-là, il vit une expérience contraire. Et les gens souvent vont dire, ah ben lui, il est roi. Regardez le prince Charles. Le prince Charles, c'est un homme qui a de l'argent au niveau de la royauté, c'est normal. Mais par contre, il a beaucoup de difficultés au début de sa vie intérieure. C'est un homme qui est très sensible, qui a une grande spiritualité, qui vit une grande souffrance au niveau de sa relation avec sa femme. Donc les rois sont aussi pénalisés par les lois du mouvement centrifuge de l'énergie que les pauvres. Et l'homme conscient de demain vivra la loi renversée. Tout viendra vers lui, mais il sera amené petit à petit à pouvoir supporter les lois de conséquence de cette énergie qui vient vers lui. Si l'homme n'est pas capable de supporter la conséquence d'avoir beaucoup d'argent sans astraliser cette énergie, si l'homme n'est pas capable de supporter la conséquence de connaître beaucoup de personnes sans déséquilibrer totalement son ménage, par exemple, et à ce moment-là, ça prendra un certain temps. Mais dès que l'homme est capable, dans la vie, d'absorber le mouvement centripète de l'argent, automatiquement, ce mouvement se fait. Mais ça, il faut le savoir. On ne peut pas le croire, parce que déjà, si on croit, on n'est plus dans cette conscience. Mais lorsqu'on le sait, on est dans cette conscience, et à partir du moment qu'on est dans cette conscience, ce mouvement-là s'actualise. Moi, je ne serai jamais pauvre dans ma vie, c'est une impossibilité. Pourquoi? Parce que je suis dans ce mouvement d'énergie qui est centripète. Ma vie devient toujours plus à l'aise, plus facile, parce que mes besoins sont plus grands et les conséquences de mes gestes sont plus vastes. Donc, j'ai besoin de constamment améliorer ma condition humaine. Mais la raison pour laquelle je vis comme je vis, c'est parce que je n'astralise pas l'énergie. Donc, si quelqu'un venait à moi demain matin et disait, « Bon, écoutez, Monsieur Bernard de Montréal, j'ai un petit compte en banque, j'ai 2 millions, je voudrais vous faire un cadeau. » Je serais capable de dire, ce n'est pas le temps. Tandis que si quelqu'un va vous voir et dit, je voudrais vous faire un cadeau, effectivement, n'importe qui va dire, ok, merci, signe tout de suite. Et tandis que dans le mouvement opposé de l'énergie, l'homme, connaissant les lois de conséquence, serait capable de dire, bon, mais ce n'est pas le temps. Mais pour ceci, il faut avoir une conscience psychique. Donc, si l'homme a une conscience psychique, il va à l'intérieur et dit, bon, mais écoute, Jean-Paul veut me faire un cadeau de 2 millions de dollars. Est-ce que je le prends ou je le prends pas? Et on te répond, tu le prends pas. Tu ne peux plus le prendre. Si tu le prends, t'es fait à l'os. Par contre, l'homme inconscient, lui, si Jean-Paul vient à la maison et dit, bon, mais je te fais un petit chèque de 2 millions de dollars, Jean-Paul ne va pas aller par en dedans pour savoir si je le prends ou je ne le prends pas. Il prend, point final, il est fait à l'os pareil. Vous comprenez? Parce qu'il ne connaît pas les lois de conséquence. Ouais. Donc, qu'est-ce que c'est la loi? Quelles sont les lois de conséquence? Elles sont innombrables. Les lois de conséquence font partie des lois de l'esprit, elles font partie des gouvernements invisibles. Les lois de conséquence font partie de la structure mentale des mondes qui construisent et qui sous-tendent le cosmos en évolution. Les lois de conséquence sont éternelles, les lois de conséquence sont tellement vastes qu'elles vont jusque même dans la gestion des grands abîmes cosmiques du temps. Mais l'homme, dans sa petite êtreté, dans son êtreté particulière, ont accès à ces lois-là. C'est ça qu'on appelle de la conscience. Et pour qu'il ait accès à ces lois-là, pour qu'il comprenne ces lois de vie-là, il faut qu'il ait contact avec sa source. Il ne peut pas transiger égoïquement. On ne transige pas égoïquement avec la source. La source, c'est la source. Et l'homme, en tant qu'ego, doit devenir une lentille à travers laquelle la lumière passe. Et ça, c'est la transparence, et c'est ça qui est long, et c'est pour ça que l'homme souffre sur la terre de la finance. Maintenant, vous avez dit à un moment donné, les gens qui ont des problèmes d'argent, problèmes vis-à-vis de l'argent, pas des problèmes dans le sens de manquer ou d'en avoir trop, mais un problème vis-à-vis de l'argent, c'est des gens qui ont une possessivité. Vous avez parlé de possessivité. Moi, je sais que dans mon expérience personnelle, quand je rencontre des gens qui me donnent un montant pour un travail, s'ils vivent une impression d'être propriétaire de ma personne par le montant qu'ils vont débourser à mon égard, si je vis de l'impression de possession face à ça, j'ai tendance à me couper de ces personnes-là. Qu'est-ce qui fait qu'un individu veut absolument posséder l'autre en l'achetant? Parce que ça fait partie des notions subtiles et conscientes du pouvoir. J'ai dit que le pouvoir, ça fait partie de la conscience psychologique de l'ego, ça fait partie de l'insécurité de l'ego, ça fait partie du besoin de l'ego d'être reconnu. Un homme qui a de l'argent, souvent, veut être reconnu, parce que l'argent, c'est une énergie, c'est une valeur que nous avons eue soit par héritage, parce que nous sommes des princes ou des rois, ou des fils de familles riches, ou c'est une valeur que nous avons acquise parce que nous avons beaucoup travaillé, d'une façon ou d'une autre, l'ego veut toujours être connu. Le problème de l'ego, c'est la reconnaissance. Donc, l'homme qui a de l'argent ou l'homme qui a un autre pouvoir, les gens qui ont un pouvoir à un niveau ou à un autre,